rassemble un but qui pour toi aujourd'hui. David Ferron. Bonjour. Comment ça va? Ben, très bien, merci vous deux. Très bien, merci. Popé, content de te voir. Ah, ben, tant mieux. Ben, content de te voir, toi. Quel bon vent qu'amène. Ah, wow. Ben, moi aussi, je suis content de vous voir. Hey, David Ferron, grosse journée aujourd'hui. Oui. Il y a un bon spectacle d'humour. Ben, qui oui. Se déroule ce soir. Ouais, fait que partons son intro, puis parle-lui en lisant, il en parle. Il va nous en parler. C'est ça. Yeah. Wow, l'intro, là! Y'a pas de chat! Non! Je pense que ça va être... Ça serait drôle. Je vous réserve, en fait, une nouvelle... Dans ton oreille. Oh! Oh! Oh, wow! Oh, wow! Attends, faut que je recule. Mon Dieu, mon Dieu. Attends un peu, je vais retourner au milieu. Non, tu peux pas reculer ça. Ouais, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. Incroyable. Wow. Une des meilleures intros ici à Saint-Lagerique. Concocté par Danny, janvier animateur du Dîner de cons qu'on peut écouter tous les jours du lundi au jeudi. Oui. Vas-y, continue. De 11h à 13h. C'est ça. Cool, merveilleux. Donc, David, tu nous parles d'Eddie King aujourd'hui, l'humoriste Eddie King. Oui, en fait, Eddie King, c'est un humoriste de la relève qui est très prometteur. Mais de la relève, plus ou moins. Ouais, en fait, il est quand même connu. Tu sais, pour faire la salle d'Antonio Thompson... C'est pas rien. Ben, tu peux pas vraiment te lasser comme la relève. Mais, tu sais, j'avoue qu'il peut être... Artiste prometteur. Prometteur, ouais, ouais. C'est bon. Plus dans ce sens-là, dans le sens que c'est un artiste à voir, parce que c'est peut-être le nouveau roi de l'humour. C'est ce que les critiques disent, en tout cas. Oui, puis assez... En fait, ce qui est bien avec Eddie King, c'est qu'il y a son style d'humour à lui qui est vraiment... On va même, dans l'entrevue, écouter des extraits de son spectacle qu'on va pouvoir voir ce soir à la salle Jean-Antonio Thompson dès 20h. Et d'ailleurs, là-dessus, si vous voulez avoir des billets gratuits, vous bidonner, vous faire des abdos juste en riant, eh bien, appelez-nous au 819-376-5183. Nous avons des billets gratuits à faire tirer pour le spectacle d'Eddie King ce soir. C'est votre dernière chance. Oui, dernière chance. Courez, appelez-nous. On va vous rappeler le numéro après l'entrevue, mais si vous voulez nous appeler pendant l'entrevue, pendant l'entrevue. Parce que vous connaissez déjà, allez-y fort, on vous blâmera pas. Non, non, puis ça va faire plaisir à Mathieu de vous répondre. Oui. Et alors là, j'ai accordé... En fait, M. King a eu la générosité de m'accorder une entrevue. Et l'entrevue commence comme suit, c'est-à-dire que sa mère prend beaucoup d'importance dans le spectacle. Il fait plusieurs sketchs parlant de sa mère. Et je lui posais la question, ben, pourquoi sa mère prend de l'importance dans son spectacle? Ben, c'est sûr que pour ce show-là, elle était vraiment importante. Parce que comme vous dites, elle prend beaucoup de place dans le show. Et c'est simplement parce que, voilà, comme je parle de mon enfance et que je parle aussi de ma vie en général, je ne peux pas le faire sans que, expliquer aux gens la façon dont j'ai été élevé. Et ça, et vu que j'ai été élevé par ma mère, ben c'est normal que j'en parle à ce moment-là, quoi. Man, c'est ridicule. Hey, je jure, quand, le jour où tu vois ta mère tabasser un homme devant tes yeux, tu t'en souviens toute ta vie. Quand elle te dit « range ta chambre », tu ranges ta chambre. Ah, mais c'est bien, c'est sûr que au niveau autobiographique, on voit qu'il y a beaucoup de descriptions au niveau autant humoristique. Il y a un côté aussi touchant par rapport à votre parcours, mais avant de parler de votre parcours personnel, j'aimerais que vous faites un petit topo de votre parcours professionnel. Ah, mon parcours professionnel, ben, écoutez, la première démarche artistique que j'avais faite, j'étais dans la musique, je faisais du rap. Et puis par la suite j'ai toujours voulu faire de l'humour et puis je m'étais toujours promis qu'un jour j'allais essayer. Puis le jour où j'ai essayé, ben à partir de là j'ai jamais pu arrêter, quoi. Vous êtes devenu dépendant à l'humour. Voilà, exact. Mais est-ce que vous faites parfois encore du rap un peu pour vos amis, pour vos intimes et des spectacles également, ou vous consacrez exclusivement à votre carrière d'humour qui doit sûrement prendre beaucoup de temps dans votre vie? Ben, c'est principalement l'humour, et puis pour en ce qui concerne la musique, ça peut arriver de temps en temps. Et voilà, quoi. Si le projet est intéressant, ouais, mais bon, disons que je mets tout mon focus sur l'humour pour le moment. Ah oui, c'est ça. Puis surtout que là, vous faites une grosse tournée. J'ai regardé vos dates. Ça a l'air d'être quand même bien amorcé pour une tournée automnale assez bien remplie. Oui, franchement, oui. Et en fait, étant donné que vous aviez quand même fait, vous aviez deux, ben si je peux dire ça comme ça, deux carrières qui semblent vraiment très, en fait, très différentes, c'est-à-dire rappeur et humoriste. En fait, vous, est-ce que vous faites des liens entre les deux, c'est-à-dire la carrière de rappeur et la carrière d'humoriste? Des liens? Ben non, c'est juste, le seul lien qu'il y a à avoir, c'est que bon, ben écoutez, peut-être quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais pas à apprendre à être sur scène ou alors à ne pas être gêné ou ouais, voilà quoi. Donc c'est plus ça qui, c'est le seul lien qu'il y a à avoir, mais à partir de là, non, c'est très différent comme carrière quoi. Donc parce que vous avez déjà l'aisance nécessaire quand vous êtes lancé en l'humour. Voilà, exact. Mais en fait, par rapport, c'est ça, étant donné que la scène de l'humour au Québec, c'est quand même une grosse scène au Québec, vous, votre intégration dans le domaine de l'humour, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Quand je suis arrivé dans le milieu, ben, je pense que les gens ils ont reconnu mes capacités et puis ça m'a permis d'ouvrir certaines portes sans nécessairement être passé par l'École nationale de l'humour ou ce genre de protocole que tout le monde par lequel la plupart passent, mais voilà quoi, j'ai fait mes marques et puis il y a des gens qui ont cru en moi, puis ça fait que je suis rendu où est-ce que je suis rendu quoi. Oui, d'ailleurs, en fait, reconnaissance à votre talent d'humoriste, vous avez commencé à faire une première partie pour Rachid Badouri. Décrivez-moi l'expérience de commencer, de faire une première partie pour un artiste quand même déjà reconnu et populaire. Ah, mais c'est une belle expérience parce que déjà, de un, ça me donne l'occasion de jouer devant beaucoup de gens. De deux, après avoir fait plusieurs bars, ça me permet de savoir comment aussi me comporter quand tu arrives devant une salle de spectacle, parce que c'est la façon de jouer est différente, de trois. Ça te forge aussi parce que tu arrives devant un public qui sont à froid et qui ne connaissent pas nécessairement, et tu arrives à bien les réchauffer. Et puis voilà, quoi, c'est toute une expérience. Quoi. Ah, ben c'est bien. Puis maintenant que vous faites votre spectacle d'humour en, si je peux dire, à votre partie, à vous, en fait, j'avais une question spécifique à votre spectacle, parce que dans votre spectacle, vous apportez la question des rapports entre groupes ethniques et avec beaucoup de dérision, comme en fait le démontre l'extrait de la banane. Et en fait, par rapport à cet aspect-là du spectacle, est-ce que vous désirez laisser un message à vos spectateurs ou simplement votre spectacle pour vous a un but de divertissement pur et simple? Ben, mon premier but, c'est de divertir, et deuxièmement, moi, je parle de ce que je connais et je parle de ma vie, de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Et de là, après, si ça peut servir aux gens, bah, c'est tant mieux, quoi. Donc, c'est sûr que, quelque part, en tant que, on va dire, minorité ethnique, j'ai vécu certaines situations, certaines choses dans ce contexte-là. Donc, c'est sûr que j'en parle humoristiquement et puis voilà, quoi. Mais c'est pas... Mon but en premier, c'est d'abord de faire rire, mais je fais rire avec ce que je connais. Donc, voilà. J'aime pas manger des bananes devant les blancs. Je sais pas, j'ai un malaise. J'ai l'impression que vous me jugez. Oh, il mange des bananes parce qu'il est noir. Oh. Non, je mange des bananes parce que c'est délicieux, c'est tout. Et quand vous dites ça, moi je dis, mais qu'est-ce qu'il dirait s'il savait que je suis capable d'ouvrir mes bananes avec mes pieds? Oui, c'est bien. Puis c'est sûr que les spectacles de vie personnelle ou de qu'est-ce qui a été inspiré de la vie personnelle, c'est quand même un créneau qui est très apprécié du public québécois. Et vous, de quelle manière vous pensez laisser votre marque personnelle dans le domaine de l'humour? Ben, je pense que je laisse ma marque personnelle, c'est-à-dire que ayant un vécu, un parcours assez particulier, ben, du moins par rapport à la majorité des gens au Québec, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours un œil différent sur tout ce que je regarde. Et je pense que c'est là que j'arrive à avoir une certaine originalité qui fait que, même si des fois je peux parler d'un certain sujet, que peut-être un autre pourrait parler aussi, mais je vais pas en parler de la même manière. Et ça va être vraiment différent, quoi. Et est-ce que c'est ça, cet œil différent-là provient, selon vous, du parcours, le fait que vous venez de la France, d'un quartier qui n'est pas nécessairement les plus favorisés ou les plus faciles, ensuite votre intégration à la culture québécoise, est-ce que vous pensez que cet œil différent-là provient justement de ce parcours-là qui n'est pas nécessairement typique des autres humoristes québécois? Entre autres, oui. Entre autres, c'est une des choses qui, voilà, quoi. Mais c'est sûr que aussi, bon, il y a tout ce côté identitaire aussi, et puis qui fait que, c'est-à-dire que c'est par rapport à mes origines aussi, par rapport à où est-ce que j'ai grandi, d'où est-ce que je viens, du fait que je viens aussi d'ici. Donc c'est tout ça qui fait en sorte que j'ai, quand je pars, j'ai toutes ces perspectives-là en même temps, quoi. Ben venez voir le spectacle, ça vaut la peine, et puis on va bien s'amuser, et puis on va apprendre à se connaître mutuellement, et voilà quoi, donc vous êtes les bienvenus. Ah ben excellent comme message. En fait, Monsieur King, je voudrais vous remercier pour nous avoir accordé du temps pour une entrevue malgré votre horaire de plus en plus chargé. Ben merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. Monsieur King! Et oui, c'était l'humoriste Eddie King, le nouveau roi de l'humour qui se produira à la salle Jean-Antonio Thompson ce soir dès 20h. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des billets gratuits pour voir Eddie King ce soir à la salle Jean-Antonio Thompson, appelez-nous au 819-376-5183 et le très sexy Mathieu Blanc. Oh, Mathieu, torse nu d'ailleurs, hein, tout à ce fait. Moment. On va vous répondre. Je suis en train de me doucher de sauce au poulet à la King. Oh! Poulet à la King. Hey, le téléphone sonne, finissez ça puis je vais répondre. OK, bon, ben. C'est qui? Non, oui. Ah, ça, oui. C'est pas vrai. Ah, yeah, il y a du monde qui continue à nous appeler pour avoir les billets. Donc, en fait. On va donner le numéro de téléphone, là? Oui, 819. 376. 51. 83. Appelez-nous à ces numéros-là. Pour le spectacle d'Eddie King qui se déroule ce soir à partir de 20h à la salle Jean-Antonio Thompson. Et c'est des bons billets, hein, faut le dire. Oui, c'est de la qualité. Puis sinon, si vous n'avez pas les billets, ben vous pouvez toujours aller soit sur Ovation ou encore aller sur le site directement s'il reste encore des billets. Puis pour les étudiants, c'est 14$. Sinon, c'est 31$ pour le public régulier. Ou c'est gratuit maintenant. Oui. 819-376-5183. Si vous mentionnez le poulet à la King. Oh. Donc, David, tu nous présentes une pièce musicale? Oui, ça vient du groupe français Eiffel, mais pas comme Eiffel 65. Eiffel. Ça, c'était Blue Abri Babibou. Exactement. Non, je suis pas capable de la chanter, la chanson. Blue Babibou. Ok. C'est la pire cover. Arrêtez. C'est un extrêmement bon cover, ça, David. Oui. C'est quoi le nom de notre band? Ben, en fait, c'est le band Eiffel. Comment t'écris ça? E-I-F-F-E-L? Oui, exactement, ouais. Comme la tour Eiffel. Et en fait, le groupe vient tout juste de sortir un album il y a 2 semaines qui s'appelle Full Monstre. Et en fait, c'est de la très bonne alternative. Si vous aimez, par exemple, Size, vous allez adorer Eiffel. Et la chanson que je vais vous présenter, ça s'appelle Nous sommes du hasard, tiré de leur précédent album, en fait, qui est sorti en 2009. Qui s'appelait, attendez, je l'ai avec moi. Oui, ça s'appelle À tout moment, sorti en 2009, et je vous sors la chanson Nous sommes du hasard sur les ondes de Cifou, 89 FM. Vous êtes ensemble, l'âge requis, restez là. Appelez-nous pour des billets. 819-376-5183. Et les Kings ce soir. Le bout du corps. C'était le groupe français Eiffel avec la chanson « Nous sommes du hasard » tirée de l'album « À tout moment » sorti en 2009. C'est pas mal. Oui, c'est bon. C'est bien. Ouais. David Ferron. Oui. On te retrouve la semaine prochaine. C'est mardi à 8h30 pour notre chronique « La langue dans ton oreille ». Bonjour. Oui, je cherche un livre sur la politique. Par là. Merci. Je cherche aussi des livres sur la culture, la musique, la technologie, les connaissances générales, les femmes, la vie étudiante et les sports aussi. Madame, c'est parce qu'on est dans un dépanneur ici, pas dans Assemblage requis. Écoutez, Assemblage requis. On a plus d'informations pertinentes qu'un dépanneur, mais juste un petit peu moins qu'une bibliothèque. Assemblage requis, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, ah, c'est fou. On a l'almanach du peuple, si vous voulez. Il y a tout là-dedans.